Chapitre 6e à l'ambassade. En rentrant à l'hôtel de l'ambassade, ces messieurs trouvèrent Ducorneau qui dînait tranquillement dans son bureau. Beausire le pria de monter chez l'ambassadeur et lui tint ce langage. « Vous comprenez, cher chancelier, qu'un homme tel que M. de Souza n'est pas un ambassadeur ordinaire. »« Je m'en suis aperçu, » dit le chancelier. « Son Excellence, » poursuivit Beausire, « veut occuper une place distinguée à Paris. » Parmi les riches et les gens de goût, c'est vous dire que le séjour de ce vilain hôtel, rue de la Jussienne, n'est pas supportable pour lui. En conséquence, il s'agirait de trouver une autre résidence particulière pour M. de Souza. Cela compliquera les relations diplomatiques, dit le chancelier. Nous aurons à courir beaucoup pour les signatures. Et son Excellence vous donnera un carrosse, cher M. Ducorneau, répondit Beausire. Ducorneau faillit s'évanouir de joie. Un carrosse à moi? S'écria-t-il. « Il est fâcheux que vous n'en ayez pas l'habitude, » continua Beausire. « Un chancelier d'ambassade, un peu digne, doit avoir son carrosse. Mais nous parlerons de ce détail en temps et lieu. Pour le moment, rendons compte à M. l'ambassadeur de l'état des affaires étrangères. La caisse, où est-elle? Là-haut, monsieur, dans l'appartement même de M. l'ambassadeur. Si loin de vous? Mesure de sûreté, monsieur. Les voleurs ont plus de mal à pénétrer au premier qu'au rez-de-chaussée. « Des voleurs ?» fit dédaigneusement Beausire, pour une si petite somme. « 100 000 livres ?» fit Ducorneau. « Peste ! On voit bien que M. de Souza est riche. Il n'y a pas 100 000 livres dans toutes les caisses d'ambassade. »« Voulez-vous que nous vérifions ?» dit Beausire. « J'ai hâte de me rendre à mes affaires. »« À l'instant, monsieur, à l'instant !» dit Ducorneau en quittant le rez-de-chaussée. Vérification faite, les 100 000 livres apparurent en belles espèces, moitié or et moitié argent. Ducorneau offrit sa clé, que Beausire regarda quelque temps pour en admirer les ingénieuses guillochures et les trèfles compliqués. Il en avait habilement pris l'empreinte avec de la cire. Puis il la rendit au chancelier en lui disant « Monsieur Ducorneau, elle est mieux dans vos mains que dans les miennes. Passons chez monsieur l'ambassadeur. » On trouva Don Manuel en tête à tête avec le chocolat national. Il semblait fort occupé d'un papier couvert de chiffres. À la vue de son chancelier. « Connaissez-vous le chiffre de l'ancienne correspondance ? » demanda-t-il. « Non, votre Excellence. »« Eh bien, je veux que désormais vous soyez initié, monsieur. Vous me débarrasserez de cette façon d'une foule de détails ennuyeux. »« À propos, la caisse ? » demanda-t-il à Beausire. « En parfait état, comme tout ce qui est du ressort de monsieur Ducorneau, » répliqua Beausire. « Les 100 000 livres, liquides, monsieur. »« Bien. »« Asseyez-vous, monsieur Ducorneau. Vous allez me donner un renseignement. » Aux ordres de votre Excellence, dit le chancelier radieux. Voilà le fait. Affaire d'État, monsieur Ducorneau. Oh, j'écoute, monseigneur. Et le digne chancelier approcha son siège. Affaire grave, dans laquelle j'ai besoin de vos lumières. Connaissez-vous des joailliers un peu honnêtes à Paris? Il y a monsieur Bemer et Bossan, joaillier de la couronne, dit le chancelier. « Précisément, ce sont eux que je ne vois point employés, » dit Don Manuel. « Je les quitte pour ne jamais les revoir. »« Ils ont eu le malheur de mécontenter votre Excellence. »« Gravement, monsieur Corneau, gravement. »« Oh, si je pouvais être un peu moins réservé, si j'osais, oser. »« Je demanderais en quoi ces gens, qui ont de la réputation dans leur métier, ce sont de véritables juifs, monsieur Corneau, et leurs mauvais procédés leur font perdre comme 1 000 000 ou 2. »« Oh !» s'écria Ducorneau avidement. J'étais envoyé par Sa Majesté très fidèle pour négocier l'achat d'un collier de diamants. Oui, oui, le fameux collier, qui avait été commandé par le feu roi pour Madame du Barry. Oui, je sais, je sais. Vous êtes un homme précieux, vous savez tout. Eh bien, j'allais acheter ce collier. Mais puisque les choses sont ainsi, je ne l'achèterai pas. Faut-il que je fasse une démarche? Monsieur Corneau. Diplomatique, monseigneur, diplomatique. « Ce serait bon si vous connaissiez ces gens-là. Vous songez mon petit cousin la mode de Bretagne. » Don Manuel et Beausire se regardèrent. Il se fit un silence. Les deux Portugais aiguisaient leurs réflexions. Tout à coup, un des valets ouvrit la porte et annonça. « Mais ce Bemer est Beausange !» Don Manuel se leva soudain et d'une voix irritée. « Renvoyez ces gens-là » s'écria-t-il. Le valet fit un pas pour obéir. « Non, chassez-les vous-même, monsieur le secrétaire, » reprit l'ambassadeur. « Au nom du ciel !» fit Ducorneau suppliant. « Laissez-moi exécuter l'ordre de monseigneur. Je l'adoucirai, puisque je ne puis l'éluder. » Faites si vous voulez, dit négligemment Don Manoël. Beausir se rapprocha de lui au moment où Ducorneau sortait avec précipitation. Ah ça, mais cette affaire destinée à manquer, dit Don Manoël. Non pas, Ducorneau va la raccommoder. Il l'embrouillera, malheureux. Nous avons parlé portugais seulement chez les joailliers. Vous avez dit que je n'entendais pas un mot de français. Ducorneau va tout gâter. J'y cours. Vous montrez, c'est peut-être dangereux, Beausir. Vous allez voir que non. Laissez-moi plein pouvoir, par Dieu. Beausir partit. Ducorneau avait trouvé en bas Bemer et Beausange, dont la contenance, depuis leur entrée à l'ambassade, était toute modifiée dans le sens de la politesse, sinon dans celui de la confiance. Il comptait peu sur la vue d'un visage de connaissance et se faufila avec raideur dans les premiers cabinets. En apercevant Ducorneau, Beausange poussa un cri de joyeuse surprise. « Vous ici, dit-il. » Il s'approcha pour l'embrasser. « Ah, vous êtes bien aimable, dit Ducorneau. Vous me reconnaissez ici, mon cousin de Richard. Est-ce parce que je suis à une ambassade ? Ma foi, oui, dit Beausange. Si nous avons été séparés un peu, pardonnez-le-moi et rendez-moi un service. Je venais pour cela. Oh, merci. Vous êtes donc attaché à l'ambassade ? Mais oui. Un renseignement. Lequel et sur quoi ? Sur l'ambassade même. J'en suis le chancelier. Oh, à merveille. Nous voulons parler à l'ambassadeur. Je viens de sa part. De sa part ? Pour nous dire ? Qu'il vous prie de sortir bien vite de son hôtel et bien vite, messieurs. Les deux joailliers se regardèrent penauds. Parce que, dit Ducorneau avec importance, vous avez été maladroit et malhonnête à ce qu'il paraît. Écoutez-nous donc. C'est inutile, dit tout à coup la voix de Beausir, qui apparut fier et froid au seuil de la chambre. Monsieur Ducorneau, son Excellence vous a dit de congédier ces messieurs, congédiez-les. Monsieur le secrétaire. Obéissez, dit Beausir avec dédain. Faites. Le chancelier prit son parent par l'épaule droite, l'associé du parent par l'épaule gauche et les poussa doucement dehors. « Voilà, dit-il, c'est une affaire manquée. »« Que ces étrangers sont donc susceptibles, mon Dieu !» murmura Bemer, qui était un Allemand. « Quand on s'appelle Souza et qu'on a 900 000 livres de revenus, mon cher cousin, dit le chancelier, on a le droit d'être ce qu'on veut. »« Ah !» soupira Beausange. « Je vous avais bien dit, Bemer, que vous êtes trop raide en affaire. Eh !» répliqua l'entêté allemand. « Si nous n'avons pas son argent, il n'aura pas notre collier. » On approchait de la porte de la rue. Ducorneau se mit à rire. « Savez-vous bien ce que c'est qu'un Portugais ? » dit-il dédaigneusement. « Savez-vous ce que c'est qu'un ambassadeur, bourgeois que vous êtes ? » ?»« Non. Eh bien, je vais vous le dire. Un ambassadeur favori d'une reine, M. Potemkin, achetait tous les ans, au 1er janvier, pour la reine, un panier de cerises qui coûtait 100 000 écus, 1 000 livres la cerise. C'est joli, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur de Souza achètera les mines du Brésil pour trouver dans les filons un diamant gros comme tous les vôtres. Ça lui coûtera 20 années de son revenu, 20 millions. Mais que lui importe, il n'a pas d'enfant. Voilà. Il leur ferme la porte quand Beausange, se ravisant, raccommodez cela, dit-il, et vous aurez. Ici, l'on est incorruptible, répliqua Ducorneau, et il ferma la porte. Le soir même, l'ambassadeur reçut la lettre suivante. Monseigneur, un homme qui attend vos ordres et désire vous présenter les respectueuses excuses de vos humbles serviteurs est à la porte de votre hôtel. Sur un signe de votre Excellence, il déposera dans les mains d'un de vos gens le collier qui avait le bonheur d'attirer votre attention. Daignez recevoir, monseigneur, l'assurance du profond respect, etc., etc. Bemer et Beausange. Eh bien, mais, dit Don Manuel en lisant cette épître, le collier est à nous. Non pas, dit Beausir. Il ne sera nous que quand nous l'aurons acheté. Achetons-le. Comment ? Votre Excellence ne sait pas le français, c'est convenu. Et tout d'abord, débarrassons-nous de monsieur le chancelier. Comment ? De la façon la plus simple. Il s'agit de lui donner une mission diplomatique importante. Je m'en charge. Vous avez tort, dit Manoël. Il sera ici notre caution. Il dira que vous parlez français comme monsieur Beausange et moi. Il ne le dira pas, je l'en prierai. Soit. Qu'il reste. « Faites entrer l'homme au diamant. » L'homme fut introduit. C'était Bemer en personne. Bemer qui fit les plus profondes gentillesses et les excuses les plus soumises. Après quoi il offrit ses diamants et fit mine de les laisser pour être examinés. Don Manuel le retint. « Assez d'épreuves comme cela, » dit Beausir. « Vous êtes un marchand défiant. Vous devez être honnête. Asseyons-nous ici et causons, puisque monsieur l'ambassadeur vous pardonne. » « Ouf, que l'on a du mal à vendre. » soupira Bamer. « Que de mal on se donne pour voler !» pensa Boissière.